Là, je sors de chez le kiné, ça va vraiment mieux. Je suis en train de gagner beaucoup. Là, j'ai plus de problème pour jouer de la guitare, par contre. Ouais, je récupère vite. J'ai de la chance, je m'en sors bien. Et le kiné que je vais voir, fait vraiment bien son boulot en plus. Aura plus qu'à récupérer les muscles maintenant. Parce qu'alors on dirait vraiment le bras gauche, le bras d'un vieux pépé.